Aleluya. Parole d'espoir. Une production de l'Église baptiste du plein évangile. Émission d'évangélisation et d'édification. Présentation, pasteur Ernest Ayé Toile. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et vous souhaite la bienvenue à notre émission Parole d'espoir. Aujourd'hui, nous voulons vous donner espoir en vous disant qu'il y a une solution divine à la situation que vous connaissez. En effet, beaucoup de personnes perdent espoir quant à la possibilité de résolution de certains problèmes qu'elles connaissent. Beaucoup de personnes ne croient plus que pour certaines situations qu'elles traversent, ils puissent avoir une solution aussi bien de la part de Dieu que de la part des hommes. Elles ne croient plus en la probabilité de l'accomplissement de certaines choses. Elles n'ont plus cette disposition intérieure à attendre une solution de la part de Dieu ou de la part des hommes. Ça peut être votre cas aujourd'hui, mais laissez-moi vous dire que pour n'importe quelle situation, n'importe quel problème, n'importe quelle difficulté, il y a une solution divine. Nous, les hommes, pouvons ne pas avoir la solution, mais il y a une solution divine. La Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Beaucoup de personnes désespèrent parce qu'elles n'ont pas Christ. Beaucoup de personnes dépriment parce qu'elles n'ont pas Christ. Beaucoup de personnes se suicident parce qu'elles ne mettent pas Christ au centre de leur vie. Elles ne confient pas leurs difficultés et leurs déceptions à Jésus-Christ. Beaucoup de personnes abandonnent certains projets et raccrochent parce qu'elles n'ont pas d'espoir. Elles n'ont pas Jésus-Christ. Je voudrais vous demander de vous tourner vers Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, lui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il nous promet le repos à ceux qui sont fatigués, à ceux qui se dépriment, le repos à ceux qui désespèrent, le repos à ceux qui ne savent plus à quel saint se vouer. Jésus dit « Venez et je vous donnerai du repos. » Si vous êtes prêt à vous suicider, ne vous suicidez pas. Jésus-Christ est la solution. Si vous êtes prêt à divorcer, si vous êtes sur le chemin du divorce, je vous dis que ce n'est pas nécessaire. Le divorce n'est pas une solution. Jésus-Christ a la solution à votre problème. Si vous déprimez et que vous souffrez d'insomnie, laissez-moi vous dire que Jésus-Christ va résoudre votre problème. Et pour cela, nous allons lire dans la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse au chapitre 21, verset 8 et suivant, nous parlerons de l'histoire d'Agar. L'histoire d'Agar, la servante de Sarah et d'Abraham. Si vous avez la possibilité de prendre vos Bibles, prenez-la rapidement et nous lisons Genèse chapitre 21, verset 8 et suivant. Il est écrit là dans ce passage, « L'enfant grandit et fut sévré. » Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arbre, car elle disait « Que je ne vois pas mourir mon enfant ». Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Bien-aimés frères et sœurs, ce que Dieu a fait pour Agar, il peut le faire pour vous. Peut-être me direz-vous que la situation que vous traversez est pire que celle d'Agar. C'est possible. Mais laissez-moi vous dire que Agar s'était égaré dans le désert avec l'enfant. On ne sait pas combien de jours ils ont erré dans le désert cherchant la bonne direction. Oui, beaucoup de personnes sont égarées aujourd'hui et cherchent la bonne direction. Dans le cas d'Agar, en plus du fait qu'elle était égarée, elle n'avait plus d'eau. Et vous savez que dans le désert, quand on n'a plus d'eau, on arrive à être déshydraté et tout ce qu'on peut attendre, c'est la mort. Et c'est à ce stade que Agar était arrivée avec l'enfant. L'eau était arrivée à manquer et elle ne savait plus que faire. On peut s'égarer, mais tant qu'on a de l'eau, tant qu'on a des ressources, il n'y a pas de problème. Mais non seulement elle était égarée, mais l'eau qui est source de vie, l'eau qui garantissait sa survie était épuisée. Ses ressources d'eau étaient épuisées. Et elle a vu l'enfant être déshydraté. Elle a vu l'enfant aller vers la mort. Et elle s'est dit, je ne veux pas voir l'enfant mourir. Je sais qu'il va mourir. Je sais qu'il n'y a plus de solution. Tout ce qui va arriver, c'est la mort de l'enfant. Mais je ne veux pas voir l'enfant agoniser et mourir. L'enfant avait pâli, l'enfant n'avait plus de force. L'enfant, on ne voyait que le blanc de l'œil et elle était sûre que son enfant allait mourir. Alors, elle a laissé l'enfant sous un des arbrisseaux et elle est allée à une distance d'une portée d'arc. Elle s'est voilée la face pour ne pas voir la mort arriver. C'est en ce moment-là qu'un ange de Dieu entend non la voix d'Agar qui pleurait, car la Bible dit qu'elle-même elle a élevé la voix et elle pleurait. Mais Dieu, l'ange de Dieu vient et dit, « Qu'as-tu, Agar? Qu'as-tu, Agar ?» Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point. » Ne crains rien. C'est en ce moment-là que Dieu renouvelle les promesses par rapport à l'enfant qui est aussi postérité d'Abraham. Et Dieu ouvre les yeux d'Agar sur un puits. La Bible dit, et Dieu lui ouvrit les yeux au verset 19, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. L'enfant que Agar considérait déjà comme un enfant mort, Dieu fut avec lui. Il a grandi, il est devenu tireur d'arc. L'enfant qui s'est déjà considéré comme un enfant mort, prêt pour l'au-delà, qui ne comptait plus pour Agar sur cette terre, l'enfant a survécu. Pourquoi? Parce que Dieu a ouvert les yeux de la mère sur un puits qui existait mais qu'elle ne voyait pas. Dieu a ouvert les yeux d'Agar sur une solution. Elle avait un grand besoin d'eau. Elle ne savait pas où trouver de l'eau dans le désert. Elle n'espérait pas avoir de l'eau dans le désert. Elle ne s'attendait pas à avoir de l'eau dans ce désert où d'ailleurs elle était égarée. Mais là où elle ne pensait pas trouver de l'eau, le Dieu du ciel a ouvert ses yeux et elle a vu un puits. De la même manière, Dieu peut ouvrir vos yeux sur des solutions divines qui existent pour votre problème. Seulement, vous ne voyez pas ces solutions. Il existait donc un puits, mais ce puits était fermé aux yeux d'Agar. De la même manière, il existe une solution à votre problème. Il faut seulement que Dieu ouvre vos yeux sur la solution divine. Il faut donc que vous éleviez votre voix vers Dieu et que vous criez à Dieu. Il faudrait que vous puissiez dire à Dieu, « Dieu, je n'ai plus de ressources. J'ai frappé à toutes les portes. Mes ressources intellectuelles sont épuisées. Mes ressources physiques sont épuisées. Mes ressources financières sont épuisées. Mes ressources économiques sont épuisées. Mes ressources spirituelles sont épuisées. Je me tourne vers toi. » Vous savez, Dieu se plaît toujours à intervenir quand l'homme ne sait plus que faire. À la mer Rouge, Dieu est intervenu quand les enfants d'Israël ne savaient plus que faire. Et pour vous également, Dieu va intervenir parce que vous arrivez à un stade où vous ne savez plus que faire. Et quand on ne sait plus que faire, il vaut mieux crier à Dieu. Mais malheureusement, il y en a qui disent, bon, vraiment, j'ai tout essayé, je ne vois plus de solution, je vais divorcer. Non. Quand on ne sait plus que faire, il faut remettre la situation entre les mains de Dieu. Il ne faut pas prendre des décisions. La seule décision qu'il faut prendre, c'est de se tourner vers Dieu. Et dire, Dieu, je n'en peux plus. Dieu, j'ai le dos au mur. Il y en a qui disent, bon, moi, je préfère raccrocher, tout abandonner parce que je ne sais plus que faire. C'est vous qui ne savez plus que faire, mais il y a une solution divine. Alors, il faut se tourner vers Dieu. Il y a ceux qui disent, vraiment, j'ai tout essayé, ça ne va pas. La mort vaut mieux que la honte, donc je vais me suicider. Mais pourquoi se suicider? C'est vous qui pensez qu'il n'y a plus de solution. Mais il y a une solution divine. Les hommes peuvent vous mettre dans une situation. Peut-être que Agar a commencé à se souvenir de tous les services qu'elle a rendus à Sarah et à Abraham et qui se soldent aujourd'hui par un renvoi, cette ingratitude. Ça peut être votre cas, vous avez peut-être servi des gens, servi votre nation, servi votre peuple, servi votre village, servi vos neveux, vos cousins, vos proches. Et puis, ce sont ceux-là même qui se tournent contre vous et qui vous renvoient, qui vous mettent dans une situation très compliquée où vous ne voyez même plus rien à l'horizon. Vous désespérez. Mais il y a une parole d'espoir, c'est celle que je vous apporte. Il y a une solution divine à votre problème. Elle est entre les mains de Dieu et tout ce qu'il vous faut, c'est de vous tourner vers Dieu. Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si vous êtes fatigués, si vous êtes chargés, si comme Agar, vous êtes égarés dans le désert et que vous n'avez plus de solution, vous ne voyez plus que la mort, uniquement la mort, vous vous attendez à la mort, changez de direction, levez les yeux vers le Seigneur et pleurez. Dites simplement, Seigneur Jésus, l'homme de Dieu que je viens d'écouter a dit que là où je pense qu'il n'y a plus de solution pour moi, il y a une solution divine. Ouvre mes yeux sur la solution divine à mon problème. Car j'ai le dos au mur, je déprime, je n'en peux plus, je ne vois que la mort, je ne vois que le désespoir. Ouvre mes yeux sur le puits divin. Ouvre mes yeux sur la solution divine et que ton nom soit glorifié dans ma vie. Et Dieu va faire quelque chose pour vous. Ne mourrez pas, n'abandonnez pas, n'abdiquez pas, ne raccrochez pas. Accrochez-vous plutôt à Dieu. Il changera votre histoire. Que Dieu vous bénisse. Je bénis ton nom pour ce message. Une solution divine, tant entendue de tous. Une solution divine, elle en existe aujourd'hui. Quand nous regardons un peu en arrière, la situation de détresse, quand nous regardons la souffrance, quand nous regardons aujourd'hui tous nos biens qui ont été perdus, quand nous regardons le travail qui a été perdu, quand nous regardons des frères qui ont perdu la vie, beaucoup de choses aujourd'hui ne nous donnent plus de joie. Est-ce que nous n'avons pas crié à Dieu? Si nous l'avons fait, une solution divine, il en existe toujours. Le Seigneur nous dit, au travers de cette parole, qu'il y a une solution divine. Dieu va ouvrir nos yeux. Dieu va ouvrir les yeux de ses auditeurs. Dieu va ouvrir les yeux des enfants afin de voir cette solution divine tant cachée. Seigneur, je bénis ton nom. Toi qui nous dis dans ta parole, ne promenez pas les regards inquiets. Oh Seigneur, tu vois comment aujourd'hui nous promenons les regards inquiets. Qui va nous aider? Qui va nous soutenir? Qui va veiller sur nous? Et beaucoup de choses aujourd'hui nous emmènent dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans les inquiétudes. Mais la solution divine, c'est toi. Tu demeures la solution divine par excellence. Tu résous le problème de tout un chacun. Tu résous le problème financier. Tu résous le problème de travail. Tu résous le problème de mariage. Tu résous le problème d'enfantement. Que la gloire seule te revienne pour ce message. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez besoin de prière, de relations d'aide ou de toute autre aide spirituelle, notre équipe de prière et de relations d'aide se tient à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 06 57 62 19. Je répète, 06 57 62 19 ou encore au 01 44 73 42. Je répète, 01 44 73 42. Vous pouvez aussi nous écrire à notre adresse postale ou à notre email qui vous seront donnés dans notre générique de fin. Au revoir. Alléluia. Vous venez de suivre Parole d'espoir.